un dernier domaine qui est assez important et qui doit être toujours pris en compte, c'est quand par principe, les documents sont certes publics, mais pas immédiatement. Autrement dit, il faut laisser à l'administration le temps de mûrir ses décisions en paix, ne pas notamment être sous la pression des médias notamment. Et la loi prévoit que les documents préparatoires ne sont en général pas accessibles. C'est une fois que la décision est tombée, que tout le dossier, alors là, devient public. On peut voir ensuite sur quoi s'est fondée la décision.